sur mercredi 27 août, 27 août, l'école 2014. Un métaphysicien spécial de la peinture, c'est Jérôme Bosch, qui, au lieu de produire sa métaphysique dans un ordre de décorum ou adéquation des images aux croyances et doctrines, la produit par des doublements de dessins grotesques propres aux marges des enluminures. Les gruyas ou gargouilles sur l'espace nouveau d'un tableau qui est énigmatiquement désacralisé. Pourquoi faire ça pour un artiste? Eh bien, parce que la peinture ne pouvait plus évoluer dans un cadre sacré marqué par les pogroms et autres persécutions au nom de la simplicitas ecclésiale. Chez Jérôme Bosch, l'univers, par l'échappée du caprice gratuit ou presque gratuit, s'ouvre et entre en cette sorte d'expansion dévoratrice qui est la conquête d'Amérique. Ou peut-être des cannibales sont vaincus par quelque chose de plus meurtrier. L'Amérique, avec les tomates et autres fruits exotiques, est déjà présente dans les motifs floraux et fruitiers du jardin des délices, dans les mondes universels, en tant que nouvelle métaphysique, détour humoristique si les mots se raffinent. Aussi bien que ce sont les rois de l'Espagne qui ont choisi, après acheter le maximum de Bosch, comme peintre de la cour, Velázquez. Velázquez venait compléter les panoptiques, la surveillance, la vision inquisitoriale de la monarchie absolue. Velázquez avait réalisé en Séville, avant sa promotion pour la cour à Madrid, des tableaux à effet de la vision maximale, comme la vieille en train de frire des œufs. Pour Bosch, c'est sur du papier que les tableaux se passent, pour Velázquez, malgré la différence de degré aussi. Pour Bosch, c'est dans l'original, dans la satire, et pour Velázquez, c'est le papier de la presse, de la propagande.